Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce journal parlé en français pour cette mi-journée du 4 avril 2017. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, a fait des révélations fracassantes, dénonçant sur nos ondes un plan visant à l'éliminer physiquement ou à défaut de le mettre en prison. Il y a une certaine hantise chez certains politiciens qui croient que une fois Agathon mort ou Agathon mis dans la tôle, qu'ils auraient beaucoup plus de facilité de se maintenir au pouvoir ou de conquérir le pouvoir local. Agathon Rwasa citera nommément ses anciens compagnons de lutte, dont le député Banyiko Adolphe, qui balaye d'un revers de la main toutes ces allégations. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et le parti UPD d'Igamiwanga veut à tout prix une nouvelle constitution de la République du Burundi avant la fin 2017. Le nouveau président de ce parti, Kassim Abdoul, vient de le déclarer dans une conférence de presse, au cours de laquelle il a d'ailleurs dit que le nombre de mandats présidentiels ne devrait poser aucun problème. Chaque parti politique devant aligner un candidat de son choix, a-t-il expliqué. Et la plupart des maisons riveraines de la rivière Nahangwa à l'avenue Mukarakara, en dessous de l'hôpital militaire, sont menacées d'écroulement. Certains propriétaires les ont déjà abandonnées. C'est un reportage de Mireille Kanyangé. Alors que les étudiants de l'Institut National de Santé Publique, INSP en sigle, viennent de rejoindre leurs condisciples de l'Université du Burundi et de l'ENS, l'École Normale Supérieure, dans leur mouvement de grève pour demander au président de la République de supprimer définitivement le décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Séraphine Hakiziman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sécurité pour ouvrir ce journal. Des tirs nourris ont été entendus cette nuit de lundi à mardi au village 4 de la commune Gihanga en province de Bubanza. Les forces de sécurité disent qu'il s'agit d'un militaire qui a tiré par mégarde, faisant plus de peur que de mal dans la population. Précisons que ce village est souvent la cible des enlèvements. Je vous l'avais dit, le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme avoir des informations selon lesquelles il y aurait un plan monté de toutes pièces par ses anciens compagnons de lutte armés visant à l'accuser de mettre en place des groupes armés pour qu'il soit assassiné ou mis sous les verrous. Parmi ces gens dénoncés par Agathon Rwasa figure quelqu'un arrêté en provenance du Rwanda voisin qui pour le moment croupit dans la prison centrale de Mimba. Ce dernier serait en train d'être préparé pour un jour accuser le député Rwasa qui lui a confié la mission de collecter des armes. Suivez les précisions données par Agathon Rwasa. Je ne suis pas en train de créer une rébellion et je ne rêve même pas de faire marche arrière. Seulement, il y a une certaine hantise chez certains politiciens qui croient que une fois Agathon mort ou Agathon mis dans la tôle, qu'ils auraient beaucoup plus de facilité de se maintenir au pouvoir ou de conquérir le pouvoir le cas échéant. Mais là, c'est une illusion parce que tout d'abord, moi, je ne suis qu'un individu. Si on devrait aller aux élections, je peux être sûr que ma voix ne compterait même pas 1% à elle seule. Et je ne sais pas quelle sera la décision de tel ou tel autre électeur. Alors, chercher à faire flèche de tout bois pour nuire à Rwasa, c'est une perte de temps. Par rapport à ça, il y aurait des plans, des machinations de vouloir me coller au dos des armes. Et il paraîtrait qu'il y a un certain caporal-chef du 412e bataillon qui aurait dénoncé un certain évode qui serait maintenant à Mimba, ni son caporal-chef, ni ce pauvre Vaude, si je l'ai rencontré, je ne le reconnaîtrais même pas. Cette Vaude aurait été appréhendée à rentrée du Rwanda. Probablement qu'il aurait été détenteur d'une arme. Et de là prétendre que lui, il amenait les armes qui étaient alors stockées dans une localité de Kanyosha, aux abords de Bujumbura et à la colline de Kabumba. Je ne connais ni la personne qui cacherait ces armes. Je ne connais même pas la place où seraient cachées ces armes. Et je n'ai même pas une simple responsabilité sur une quelconque arme. Une autre personne accusée dans ce dossier, c'est le député Adolphe Banyikwa, ex-secrétaire général de la coalition Mizero ya Barundi. Son ex-patron le charge d'avoir très récemment tenu une réunion visant à mettre en place des groupes armés qui opéreraient dans différents coins du pays afin de faire endosser à Rwasa toutes ses attaques. Il y a un plan, une réunion qui a été conduite par notre ancien secrétaire général qui a fait défection maintenant, et avec certains officiers de l'armée et de la police, ex-combattants FNR, ils auraient rencontré certains démobilisés. Ces gens-là, ils auraient été promis à chacun 10 millions. Leur rôle sera de recruter quelques démobilisés et quelques autres jeunes. Ils tireront des coups dans différentes provinces pour prétendre que c'est une rébellion de Rwasa. Mais je m'imagine qu'ils devraient penser à deux reprises, parce que sur ce simulacre d'attaque, nul ne sait s'ils s'en sortiront tous indemnes. Et puis je m'imagine que mettre Rwasa en tôle ou l'assassiner, ça ne contribuera nullement à résoudre les problèmes du Burundi. Parce que ceux qui sont auteurs des marvelisations, il n'y a personne qui est commandité par Rwasa. Ceux qui détournent les ressources minières, personne n'est sous la houlette de Rwasa. Tous ces gens-là qui kidnappent des gens et qui les tuent pour laisser trimballer des cadavres un peu partout, il n'y a personne avec qui je suis de mèche. Et voilà, ce sont ces fléaux-là qui font que le Burundi se retrouve dans le collimateur de tous les observateurs et de toutes les nations. Ce qui serait bien, c'est penser à résoudre ces problèmes-là. Penser au développement de tous les Burundais, plutôt que de se préoccuper d'éliminer Rwasa ou de nuire à Rwasa sous quelque forme que ce soit. Le député Agathon Rwasa et le député Adolphe Banyoukwa, cité dans ce dossier, réfutent ces accusations en disant qu'Agathon Rwasa a sa propre garde qui est payée par le gouvernement et qu'il peut faire la politique sans toutefois accuser d'autres personnes. Je crois que ces propos ne sont pas vrais, parce que je n'ai jamais dit cela à qui que ce soit. Mais je lui conseille de ne pas tenir de propos mensongers. Depuis des temps, il accuse des gens d'une façon, d'une autre. Mais je crois que s'il veut faire une politique dans le pays, qu'il fasse cette politique sans toutefois accuser de faux témoignages à qui que ce soit. Si ce qu'il est accusé est vrai, est-ce que c'est lui qui pose problème dans le pays? Est-ce que Rwasa Agathon, qu'est-ce qu'il est dans le pays? Il n'est pas le seul Burundais, nous sommes plus de 10 millions et ce n'est pas lui qui est politicien dans le pays. Il y a tant d'autres et qui sont à l'aise dans le pays. Il ne peut pas être persécuté lui seul. Pourquoi? Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Il a des policiers, il a des militaires qui regardent et ces militaires sont payés par le gouvernement et c'est le gouvernement qui donne des ordres à ces gens qui regardent. Moi, je suis à l'aise là où je suis, qu'il soit à l'aise et qu'il n'accuse pas des gens d'une façon fausse. S'il veut pratiquer la politique, qu'il fasse cette politique sans toutefois accuser des gens d'une façon fausse comme ça. C'était le député Adolphe Banyoukwa au téléphone avec Christella Nizigama. Contacté pour réaction sur ce dossier, le porte-parole de la police, Pierre Nguriki, a simplement dit que si Agathon Rwasa a des problèmes liés à sa sécurité, il peut aviser les forces de l'ordre pour qu'elles prennent des mesures qui s'imposent. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti UPD Zigamibanga appelle le gouvernement burundais à mettre en place et dans les meilleurs délais une commission chargée d'étudier les dispositions de la constitution à amender. Pour le oui, il faudrait qu'une nouvelle constitution de la République ait été votée d'ici la fin de l'année en cours. Kassim Abdoul, le nouveau patron du parti UPD Zigamibanga, explique que cela pourrait aider les partis politiques à se préparer pour les prochaines échéances électorales de 2020. Et à la question en rapport avec les mandats présidentiels, il a indiqué que chaque parti politique a son programme qui doit être mis en exécution par quelqu'un de son choix. Pour lui, le nombre de mandats ne devrait poser aucun problème. Suivez plutôt Kassim Abdoul, le nouveau président du parti UPD, Zigamibanga. Pour nous, en tant que parti politique, la question de mandat ne se pose pas sur la personne qui conduit le responsable du gouvernement. La question de mandat se pose sur le parti qui gagnerait les élections. Si on limitait un parti à ne pas gagner plus de deux fois, alors là, nous, on ne serait pas d'accord. Mais si un parti peut gagner trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, parce que c'est le programme qui est présenté, que la population choisit, nous, ça ne pose pas de problème. Quelle est la personne qui va prioriser ce programme? Ça, c'est une affaire interne au parti. C'est le parti maintenant qui analyse au sein de ses membres quelle est la personne pour piloter notre programme. Parce que c'est le programme d'un parti qui gagne, ce n'est pas la personne à la tête du programme qui gagne. C'est-à-dire que ce soit Michel, que ce soit Kassim, que ce soit Francine, que ce soit Diane, ou je ne sais pas qui encore. Si le parti le met là pour être le président de la République. Ce n'est pas le programme de Kassim, ce n'est pas le programme de Diane, ce n'est pas le programme de Francine, ce n'est pas le programme de François, mais c'est le programme du parti que la personne est appelée à mettre en œuvre. Le parti PDS Gamianga voudrait donc saisir cette occasion pour demander au gouvernement du Burundi d'accélérer la mise en place de la commission chargée de proposer les amendements de la Constitution. Le parti PDS Gamianga invite son Excellence le facilitateur Benjamin Mkapa à clôturer le plus rapidement possible les séances de dialogue initiées à Arusha pour donner plus de chances à l'organisation des élections de 2020. C'était Kassim Abdoul, le nouveau président du parti UPD Zigamibanga. Je vous l'avais dit dans les titres, les étudiants de l'Institut National de Santé Publique, INSP en sigle, demandent au président de la République de supprimer définitivement le décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages. Cela est contenu dans un préavis de grève adressé ce lundi au président de la République. Les étudiants de l'INSP indiquent qu'ils ont décidé de suspendre les activités académiques dès le 3 avril jusqu'au 14 avril 2017. Au cas où leur demande n'aurait pas une réponse satisfaisante, les étudiants de l'INSP déplorent que l'instauration de la prébourse n'est de nature qu'à instaurer une discrimination à l'égard des étudiants issus des familles pauvres qui ne vont plus accéder à l'enseignement supérieur. On parlait justement de l'enseignement supérieur. Il n'est pas facile d'identifier les étudiants en grève et ceux qui suivent normalement les cours. C'est le recteur de l'Université du Burundi qui l'a déclaré dans une conférence de presse organisée l'après-midi de ce lundi. Gaspard Banyangimbona a lancé un appel aux étudiants à regagner les auditoires, étant donné que l'arrêt des études ne se serait pas conformé à la loi. C'est un reportage signé Charles Makoto. Les étudiants des premières années à l'Université du Burundi sont en train d'être manipulés dans le mouvement d'arrêt de cours au sein de cette institution. Gaspard Banyangimbona, lecteur de l'université, l'a dit dans une conférence de presse l'après-midi de ce lundi. Il accuse certains étudiants d'avoir imité les signatures de leurs collègues lors de la rédaction du préavis de grève. Il fait savoir qu'il n'est pas facile d'identifier les étudiants en grève et ceux qui sont en train de suivre les cours. La réalité actuelle à l'Université du Burundi est que certains étudiants sont en train de faire des examens, d'autres sont en stage, d'autres attendent la proclamation des résultats, tandis que d'autres, surtout ceux des bac 1 et des instituts qui ont terminé les cours en avance, sont en train de faire les cours. Vous comprenez que dans ces circonstances, il n'est pas forcément facile d'identifier qui est en grève et qui ne l'est pas. L'exemple d'un cas d'étudiant qui attend les résultats qui vont être proclamés dans les 2-3 jours, il peut prétendre qu'il est en grève et cela entraîne surtout les étudiants des bac 1 qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Figurez-vous que le préavis qu'ils avaient lancé, même s'ils avaient, à son Excellence le Président de la République, expirait aujourd'hui et donc l'arrêt de cours annoncé devrait commencer demain. Le recteur de l'université lance un appel aux étudiants, particulièrement ces deux premières années, à regagner les chemins des auditoires. Par exemple, au cadre de la faculté de médecine, où effectivement une séance d'explication a été organisé entre les responsables de la faculté et les étudiants. Et tous, à l'unanimité, ils ont décidé de ne pas suivre les mouvements de grève qui seraient organisés dans ce sens. Ceux qui prennent cette direction de mouvement de grève risquent de le regretter plus tard. Ils ont attendu toute une année pour pouvoir venir et commencer les cours, mais à peine 2 mois après les cours, et voilà qu'ils sont embarqués dans un mouvement insensé. Vraiment, je lance un appel à ces étudiants-là de bien vouloir suivre les cours parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Gaspard Banyangimbona demande aux professeurs de vaquer comme d'habitude à leurs activités et de dispenser les cours comme d'accoutumée. Charles Makoto et avis d'un responsable du syndicat du personnel administratif à l'Université du Burundi qui estime que le passage du système de bourse à celui de pré-bourse est un changement radical qui nécessitait d'abord un large débat de tous les intervenants. Suivez plutôt Patrice Savogueva. Passer d'une aide à un crédit, c'est un changement énorme. Alors, il aurait fallu, oui, au niveau du ministère, on va dire, nous avons pris le moment d'élaborer des statuts, d'élaborer des lois qui vont régir ce prêt. Mais les étudiants, du fait qu'à l'annonce de la mesure, ils prennent l'option de grève, ça veut dire qu'ils n'ont pas été consultés. Si la consultation a eu lieu, elle n'a pas abouti. Alors, il aurait fallu faire intervenir d'autres acteurs à l'Université du Burundi, les parents, le personnel, les enseignants, donc les syndicats. Alors, trouver un cadre, un compromis qui soit favorable et au gouvernement et aux étudiants. Le changement à lui seul amène une certaine peur au niveau des bénéficiaires. Si au départ c'était une aide du gouvernement, la bourse était une aide du gouvernement qui est donnée aux étudiants, et aujourd'hui ça devient un crédit, alors les étudiants n'étaient pas habitués. Dès le premier jour, ils savaient que même les grands frères qui ont étudié à l'université du Burundi, même ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ont été aidés par le gouvernement via la bourse. Alors, ce changement à lui seul apporte une certaine peur au sein des étudiants. Mais ça fait sombre dans une grève qui vient s'ajouter à une multitude d'autres, mais qui ont été résolues. La grève d'aujourd'hui peut aussi trouver solution sans toutefois recourir aux moyens violents, ça veut dire aux emprisonnements, ça veut dire à la violence des étudiants. Patrice Sabougouhebas, un des responsables du syndicat du personnel administratif à l'université du Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'avenue Mukarakara, située dans la zone urbaine de Gyosha, devient impraticable. Les rives de la rivière Nahangwa ne cessent de s'écrouler. Certaines maisons sont fermées au cadenas, les propriétaires ayant quitté pour ne pas tomber dans le gouffre. Piétons et propriétaires demandent une intervention rapide du gouvernement. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Que le gouvernement fasse très vite, autrement dit, les maisons vont partir. Ils demandent une intervention rapide du gouvernement. C'est l'un des habitants de l'avenue Mukarakara, une avenue qui part du boulevard du 28 novembre à quelques mètres du pont de la République. Une avenue reliant ce boulevard à l'avenue du Cinquantenaire. Le passage est aujourd'hui interdit sauf circulation locale. Près de cette avenue sont construites de belles maisons en étage, mais des maisons en voie d'écroulement car, avons-nous constaté, cette avenue ne cesse de tomber dans la rivière Nahangwa. Pour ce piéton rencontré à cet endroit, la situation est anormale. La situation est anormale si le gouvernement ne s'adonne pas à faire Nahangwa d'une façon durable. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de protéger la rivière Nahangwa pour que la population environnante de la rivière vive une situation confortable. Un des habitants de Kigobe Sud précise que la situation dure depuis 4 ans. Il y a 4 ans que ça se détruit. Avant, c'était bien aménagé, bien fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. Il y a 3 ou 4 familles qui sont déjà parties parce qu'il y a des fissures dans leur parcelle, il y a des accidents qui peuvent arriver. Les maisons, c'est pour les banques, ce n'est pas pour nous. Hein. Avant 20 ans, peut-être. Ça se démolit à chaque instant du jour, ça se démolit. Aux yeux de tout le monde. Pour lui, c'est une urgence et l'attribution des parcelles dans de tels endroits devrait cesser, précise-t-on. Pour l'institution qui attribue des parcelles à côté de Nahangwa, nous demandons à cette institution de voir la situation de la rivière Nahangwa pour que l'institution prenne en considération l'attribution des parcelles à côté de la rivière Nahangwa. Ce n'est plus les habitants d'ici, ils ne sont plus capables de le faire. Celui qui est capable, c'est le gouvernement. Parce qu'il faut beaucoup de sous, que le gouvernement fasse très vite. Autrement dit, les maisons vont partir. Comme nous l'avons vu, des eaux ruissellent revenant sous ces habitations vers la rivière Nahangwa. Merci Mireille Kanyangé. Et la population de la province Ngozi est appelée à planter au moins 10 plants d'agroforesterie par ménage en vue de revégétariser les collines de cette province, aujourd'hui presque nues, suite à l'action nuisible de l'homme. L'Office burundais de protection de l'environnement invite les chefs de colline à montrer l'exemple dans ce projet. Et c'est une correspondance d'Apollinaire Muzagara de Pingozi. Restants en province Ngozi sont actuellement menacés par l'homme qui s'en sert sans penser à la réhabilitation. Les forêts sont particulièrement menacées par ceux qui cherchent de petits arbres servant de support du haricot volubile. Les marchés de tels arbres se forment ces jours-ci aux différents centres de négoce de cette province, surtout le soir. Pour la plupart, les vendeurs de ces petits arbres ne sont propriétaires d'aucun mètre carré de forêt. Ce sont surtout des gens pauvres, notamment les Batois qui cherchent de quoi nourrir leur famille. À part ces supports de haricots, ces forêts disparaissent aussi à cause de personnes possédant des chantiers qui cherchent des perches, sans oublier ceux qui sont à la recherche du charme, déplore le représentant provincial de l'OBT. Entre ces solutions préconisées, Michel Ndiga Massavo demande la plantation d'au moins 10 plantes d'agroforesterie dans chaque ménage de la province Ngozi pour revégétaliser ces collines. Il appelle à cet effet Les chefs de Corine à servir de bons exemples à la population qu'ils représentent. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. Une nouvelle brève avant de boucler ce journal. L'Office burundais des recettes déclare que les recettes provisoires collectées au mois de mars 2017 s'élève à plus de 73 milliards de francs burundais, soit une augmentation de plus de 7 milliards par rapport aux prévisions initialement fixées après à un peu plus de 66 milliards. Et l'OBR note également une augmentation de plus de 14 milliards de francs burundais par rapport aux recettes de la même période en 2016 qui était de 58,60 milliards de francs burundais. Il est 13h16 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, fait des révélations fracassantes, dénonçant sur nos ondes un plan visant à l'éliminer physiquement ou à défaut le mettre en prison. Agathon Rwasa cite nommément ses anciens compagnons de lutte, dont le député Baniko Adolphe, qui balaye d'un revers de la main toutes ces accusations. Et le parti UPD Zigamiwanga veut à tout prix une nouvelle constitution de la République du Burundi avant la fin 2017. Le nouveau président de ce parti, Kassim Abdoul, vient de le déclarer dans une conférence de presse au cours de laquelle il a d'ailleurs dit que le nombre de mandats présidentiels ne devrait poser aucun problème. Chaque parti politique devant aligner un candidat de son choix, a-t-il expliqué. Et la plupart des maisons riveraines de la rivière Nahangwa, à l'avenue Mukarakara, en dessous de l'hôpital militaire, sont menacées d'écroulement. Certains propriétaires les ont déjà abandonnées. C'est un reportage de Mireille Kanyangé que vous avez suivi. Alors que les étudiants de l'Institut National de Santé Publique, INSP, rejoignent leurs condisciples de l'Université du Burundi et de l'École Normale Supérieure dans leur grève pour demander au président de la République de supprimer définitivement le décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine Hakizimana qui l'a mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi. Prochain rendez-vous à 16h.